Les prophètes Sophonie et Agée. Dans la Bible, il arrive que la signification des noms des serviteurs de Dieu souligne le caractère de la mission qui leur a été confiée. C'est notamment le cas des 12 derniers prophètes de l'Ancien Testament. Le nom Osée veut dire « l'Éternel sauve » et celui de Joël « l'Éternel est Dieu ». Ils ont supplié Israël de revenir à Dieu, qui seul pouvait encore les sauver de la destruction. Amos, porteur de fardeau, a porté le fardeau moral de son peuple désobéissant et idolâtre. Abdias, serviteur de l'Éternel, a servi son Seigneur en annonçant ses plans de jugement sur Édom. Jonas, dont le nom signifie « colombe », aurait dû être un messager de paix pour les Ninivites lorsqu'ils se sont repentis. Michée, ou « qui est semblable à l'Éternel », a montré à Israël que son seul espoir résidait en Christ, le sauveur de Bethléem. Nahum, consolateur, a consolé Juda en annonçant la destruction de la Syrie. Habacuc, qui signifie littéralement « embrasser », a prouvé qu'en période d'extrémité, il faut savoir étreindre par la foi les promesses de Dieu. Sophonie, l'Éternel cache ou l'Éternel protège, a expliqué pourquoi son peuple avait besoin d'être caché au jour de la colère divine sur le monde. Agée, qui signifie « heureux », a évoqué le jour de bonheur du rétablissement d'Israël dans son pays. Zacharie, l'Éternel se souvient, fut témoin du retour de l'exil selon les promesses faites antérieurement. Et l'Éternel se souviendra à nouveau d'Israël pour le ramener de la dispersion à la fin des temps. Enfin, la mission particulière confiée à Malachie, mon messager, a été l'annonce de la prochaine venue de Jean-Baptiste, le messager de l'Éternel, le précurseur du Messie. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur les deux livres généralement peu connus de Sophonie et d'Agée. Ils mettent en évidence une caractéristique propre à la plupart des prophètes. Au-delà des événements appartenant à leur temps, leur prophétie annonce des événements beaucoup plus lointains et dont la portée sera universelle. Voyons tout d'abord Sophonie. Arrière-petit-fils du roi Ézéchias, il sera vraisemblablement témoin de la captivité de Juda en 586. En cette fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, il lui incombe d'annoncer à son peuple l'imminent jugement qui l'attend. « J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. » Sophonie 1, 3 à 4. Jérémie et Sophonie ont probablement été les derniers prophètes envoyés par l'Éternel avant la captivité de Juda. Bientôt, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, envahira les contrées avoisinantes et investira Jérusalem. Ses armées détruiront tout sur leur passage. Derrière la violence, le pillage et les meurtres des Chaldéens, il y aura donc la main de l'Éternel sévissant en jugement parce que le peuple est resté sourd aux avertissements de Dieu. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Chapitre 1er, versets 14 à 16. Sophonie voudrait que son peuple soit préservé de ce terrible jugement et qu'il soit caché par Dieu au jour de sa colère. C'est pourquoi il insiste encore, in extremis, pour que Juda se repente. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 2, 1 à 3. Mais Sophonie crie dans un désert, personne ne l'écoute. Le jugement est donc inévitable. La ruine de Jérusalem est imminente. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance. Et quoi ? Elle est en ruine. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Sophonie 2, 5. Pourtant, la déportation de Juda et la chute de Jérusalem ne sont qu'une étape dans l'histoire du peuple que Dieu a choisi en dépit de tout. Et pour Sophonie, les malheurs de Jérusalem sont le tremplin qui lui permet de sauter dans l'avenir pour évoquer la période la plus sombre de l'histoire d'Israël. Ce peuple survivra miraculeusement à 20 siècles de dispersion, au cours desquels aucune affliction ne lui sera épargnée. Humiliation des ghettos, persécution de toute nature, pogroms, fours crématoires. Et à la suite des circonstances dramatiques de la Deuxième Guerre mondiale, une fraction d'Israël regagnera son pays. Mais ce peuple ne sera pas encore au bout de ses peines. Sophonie a discerné que d'autres épreuves lui seront infligées jusqu'à ce qu'il reconnaisse son péché et implore la miséricorde de son Dieu. Cependant, au moment le plus sombre de son histoire, le Messie reviendra sur terre délivrer son peuple. Alors, tandis que les autres nations subiront les châtiments divins, Israël connaîtra la paix et l'allégresse. Une paix et une allégresse que seule la présence terrestre du Messie rendra possible. C'est pourquoi Sophonie prophétise sur un tout autre ton à la fin de son livre. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Sophonie 3, 14 à 20. Passons maintenant au livre d'Agé. Ce prophète a exercé son ministère autour de l'an 520 avant Jésus-Christ, soit 2 ou 3 générations après Sophonie. Cyrus, roi de Perse, a proclamé un édit de libération pour les Juifs de Babylone, et près de 50 000 d'entre eux sont retournés à Jérusalem pour construire le deuxième temple. Mais les habitants de la région se sont opposés et, de force, ont fait cesser les travaux. Le livre d'Esdras nous raconte l'histoire de ces rescapés de l'exil découragés dans leurs efforts par Sanballat, Tobija et d'autres ennemis d'Israël. Mais Dieu a envoyé les prophètes Agé et Zacharie pour encourager les fils de la captivité à poursuivre leur construction. En l'espace de 4 mois, Agé prononce 4 discours à Jérusalem. Le premier jour du 6e mois, il reproche aux Juifs de se construire de belles maisons alors que la construction du temple est abandonnée. Au 21e jour du 7e mois, il encourage ceux qui ont repris le travail et annonce que la gloire du deuxième temple sera plus grande que celle du premier. Le 24e jour du 9e mois, il montre au peuple que la bénédiction s'est retirée à cause de ses négligences, mais que Dieu la dispensera à nouveau s'il se repent. Enfin, le même jour, Agé annonce que les nations d'alentour seront jugées, mais que l'Éternel bénira le gouverneur Zorobabel, l'homme qu'il a choisi et établi à la tête des rescapés de l'exil. Il nous faut maintenant sortir de l'application immédiate et locale de ces quatre prophéties d'Agé pour examiner leur suprême objectif à longue portée. Un jour, l'Éternel réveillera l'esprit du peuple d'Israël dans son ensemble, comme au jour d'Agé, il avait réveillé l'esprit de Zorobabel, le gouverneur, et de Josué, le souverain sacrificateur, Agé 1.14. Ce sera un réveil spirituel à l'échelle nationale que plusieurs passages de l'Ancien Testament évoquent, en particulier Ézéchiel 37. Un nouveau temple sera élevé à Jérusalem, à la gloire de l'Éternel, et ce temple sera plus merveilleux que les précédents, parce que Jésus-Christ, le Messie, y habitera. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Agé 2, 6 à 9. Cette paix ne concernera pas seulement Israël. Cette paix deviendra universelle. Ce sera une paix réelle, profonde, durable, parce que Jésus-Christ, le prince de la paix, en sera l'auteur et le garant. La prophétie d'Agé au sujet de Zorobabel, le gouverneur, s'accomplira en Christ, le sauveur des peuples. Je te prendrai, mon serviteur, je te garderai, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Agé 2, 23. Ainsi, les deux prophéties de Sophonie et d'Agé font vivre devant nous la perspective de 1000 ans de paix et de justice que le monde connaîtra sous le règne de Jésus-Christ. Mais comment être certain d'avoir part à cette gloire future? En acceptant aujourd'hui Christ comme sauveur personnel. Jésus-Christ est-il pour vous un sauveur? Le sauveur ou votre sauveur? Est-il un roi, le roi ou votre roi? Ayez une relation personnelle avec celui qui bientôt sera acclamé Seigneur des Seigneurs, mais qui dès aujourd'hui voudrait être votre sauveur. C'est maintenant que vous préparez votre avenir et votre éternité. C'est maintenant que vous prenez une option définitive au sujet de votre participation au règne universel de Jésus-Christ sur le monde. Vous êtes donc appelé à prendre une décision de première importance. Un proverbe espagnol dit « La route de demain mène à la ville jamais ». Décidez-vous aujourd'hui, et décidez bien, en vous décidant résolument pour Jésus-Christ.